Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Okipwaza, tcha-tcha, tout va quitter. Au table rond, tcha-tcha, va gagner. Oh. Onipanda, tcha-tcha, tous oubliés. Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Okipwaza, tcha-tcha, tout va quitter. Au table rond, tcha-tcha, va gagner. Oh. Onipanda. Indépendance.